premier temps d'une série d'émissions de la Fabrique de l'Histoire consacrée aux grandes épopées, donc aujourd'hui la première d'entre elles, Gilgamesh. Demain, nous partirons du côté du Tibet, nous suivrons le roi Gézard. Mercredi, nous traiterons de saga islandaise et jeudi, Victor Massé de l'Épinay nous promènera avec Alexandre Farnoux, directeur de l'école française d'Athènes, dans l'exposition Homère au Louvre-Lens, dont France Culture est partenaire. Et aujourd'hui, nous allons suivre Gilgamesh et Enkidu dans leurs aventures et évoquer, bien entendu, le contexte de naissance et de diffusion dans tout le Proche-Orient de cette première épopée conservée. Nous le ferons avec Victor Massé de l'Épinay grâce à des textes qui sont tirés de cette épopée, qui seront lus par Nathalie Canoui et commentés par Bertrand Laffont. Il est directeur de recherche au CNRS, à la Maison de l'Archéologie de Paris-Nanterre. Il est le co-auteur dans la très belle collection sur les mondes anciens de chez Belin de la Mésopotamie. الدنيا حكيم عليم يعرف كل شيء يخترق حالك الظلام بثاقب نظره Je vais présenter au monde celui qui a tout vu, connu la terre entière, pénétré toutes choses et partout, exploré tout ce qui est caché. Surdoué de sagesse, il a tout embrassé du regard. Il a contemplé les secrets, découvert les mystères. Il nous en a même appris sur avant le déluge. Retour de son lointain voyage, exténué, mais apaisé, il a gravé sur une stèle tous ses labeurs. C'est lui qui fit édifier les murs d'Uruk les clos et du saint Eanna, trésor sacré. Regarde-moi cette muraille serrée contre un filet à oiseaux. Considère ce soubassement inimitable. Palpe cette dalle du seuil amenée de si loin. Avance-toi vers l'Eanna, résidence d'Istar, que nul roi ultérieur, personne n'a jamais pu contrefaire. Monte déambulé sur le rempart d'Uruk, scrute-en les fondations, contemple-en le briquetage. Tout cela n'est-il pas brique cuite? Et les sept sages n'en ont-ils pas jeté les bases? 300 hectares de villes, autant de jardins, autant de terres vierges. C'est l'apanage du temple d'Ishtar. Avec ses 1000 hectares, tu couvres du regard l'entier domaine d'Uruk. Voilà le premier extrait lu par Nathalie Canoui de cette série d'émissions donc que nous allons consacrer aux grandes épopées. Et aujourd'hui, l'épopée de Gilgamesh. Avec vous, Victor Massé de l'Épinay, bonjour. Bonjour Emmanuel. Et avec vous, Bertrand Laffont, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est dans une traduction de Jean Bottero que nous allons lire les textes aujourd'hui de cette épopée de Gilgamesh. Alors, il y a déjà deux ou trois termes qu'il nous faut expliciter au tout début de cette histoire. Uruk et Anna sont des termes qui, évidemment, vous disent quelque chose, vous qui êtes spécialiste de cette histoire sumérienne qui est à la base de cette épopée de Gilgamesh. Uruk, c'est une ville et Anna, c'est un temple, c'est une divinité située dans cette ville. Où est Uruk ? Uruk se situe au sud de la Mésopotamie, c'est-à-dire de l'Irak actuel. C'est une des grandes cités de la civilisation des Sumériens. Au troisième millénaire avant notre ère, Et avec ces premiers vers qui viennent d'être lus, le décor est planté. On est Uruk, c'est le symbole de la civilisation urbaine, ou même de la civilisation tout court, avec sa muraille qui fait 9 kilomètres de long, nous dit le texte. Et d'ailleurs, cette muraille est encore visible aujourd'hui. Hein. Uruk est un site qui a été fouillé longtemps, par les Allemands notamment. Et au centre de cette ville, il y a un tel, un monticule, une ville haute, et le temple de la déesse Inanna, qui deviendra plus tard la déesse Ishtar, dont on va reparler, qui joue un rôle important dans ce texte. Et le Anna est le nom de son temple. Et Gilgamesh, qui est le héros de ce récit, est le roi d'Uruk. Et il est présenté comme tel, mais il est sûrement, peut-être, véritablement le roi d'Uruk. Et c'est une question que se posent tous les assyriologues, toutes les personnes qui sont les spécialistes d'histoire sumérienne. La grande question, c'est de savoir si c'est un personnage historique ou pas. Il est possible qu'il ait réellement été un roi d'Uruk vers 2650 avant Jésus-Christ. Donc on est vraiment au tout début de la civilisation mésopotamienne. C'est une très longue histoire, l'histoire de la Mésopotamie. C'est un peu comme l'Égypte, c'est les 3 millénaires, ça couvre 3 millénaires. Et là, on est dans la partie haute, la partie la plus ancienne, au temps des Sumériens. Gilgamesh a peut-être existé. S'il a été roi d'Uruk, c'est sans doute vers cette époque de 2650. On n'a jamais trouvé de traces définitives, de preuves définitives de son existence. Mais quoi qu'il en soit, s'il a vécu après sa mort, il est très vite devenu un héros des légendes. Et ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir suivre pendant 2000 ans la façon dont l'histoire de ce héros est devenue finalement une épopée. 2000 ans parce que, en fait, le temps d'écriture de ces textes qui nous sont parvenus est lent, long. Cela s'étale sur une très longue durée, et ce qui nous permet d'avoir à la fois des variantes, des embranchements qui ne sont pas toujours les mêmes, pour arriver à une version qui est plus ou moins définitive. À quelle époque d'ailleurs La version définitive, elle est fixée vers 1200 avant notre ère. Mais ce que vous venez de dire, c'est toute la complexité de l'œuvre. C'est effectivement qu'il y a des nombreuses variantes. Chronologiquement, si vous voulez, si on considère que ça a été un vrai roi vers 2650, les premiers textes écrits qui racontent cette histoire, qui sont portés par écrit, qui racontent cette histoire de Gilgamesh, c'est vers 2100 avant notre ère. Mais là, il y a un événement important qui arrive dans l'histoire, c'est que les Sumériens disparaissent de la scène historique et ils sont remplacés par une nouvelle population d'origine sémitique, ceux qui vont devenir les Babyloniens, les Assyriens. Les Acadiens. Et donc, on a une version acadienne, qui est la langue des Babyloniens et des Assyriens, qui apparaît à la suite des versions sumériennes. Ça, c'est vers 1800 avant notre ère. Et vers 1200, il y a un lettré, un sage, dont on connaît le nom, et c'est rare qu'on connaisse le nom d'un auteur de ces textes si anciens, qui va réunir tous ces récits un peu épars, et qui va établir ce qu'on peut considérer être la version standard de l'épopée de Gilgamesh. Seulement, on est encore vers 1200 avant Jésus-Christ. Il faut encore se déplacer 6 siècles plus tard. On arrive à la bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive, où on retrouve les principaux vestiges, les principaux témoin de ce texte, d'ailleurs de façon très fragmentaire, il y a près de 200 fragments, c'est un véritable puzzle, et on n'a que les 2/3 du texte environ. L'épopée de Gilgamesh, c'est un texte de 3000 vers à peu près, on en a les 2/3, et les versions, la version la plus utilisable est celle qui est au bout de cette histoire, vers 650 avant notre ère. Victor Massé-Lépiné. Alors parlons un peu de ce héros, de ce personnage, Gilgamesh. Son nom, a priori, voudrait dire quelque chose comme l'ancêtre est un jeune héros, oui, quelque chose comme ça. C'est comme ça qu'on l'interprète. Oui. Et alors, dans ce prologue qui vient d'être lu dans la traduction de Jean Bottero, ce qui frappe quand on a lu un peu plus l'épopée de Gilgamesh, c'est qu'il est tout de suite présenté comme surdoué de sagesse, celui qui a tout vu. On a l'impression d'une figure d'un grand sage, de quelqu'un de très raisonnable. Or, dans les premiers moments de cette épopée, Gilgamesh paraît plutôt comme une sorte de, non pas de monstre, mais au moins de personnage terrible, tyrannique avec son peuple, avec une avidité sexuelle extraordinaire, qui ne laisse aucune fille à sa mère, aucun fils à son père. Pourquoi est-ce que, dans ce prologue, on nous dit que Gilgamesh est un sage ? Alors, il y a un artifice littéraire, un peu. C'est-à-dire qu'on présente au tout début du récit la ville d'Uruk et son roi, tels qu'ils sont après les multiples aventures. Le but du récit, c'est de raconter comment on arrive à ce roi sage et apaisé. Mais pour cela, il va falloir qu'il traverse un certain nombre d'épreuves qui sont justement l'objet de ce récit. Finalement, c'est d'ailleurs très très concrètement dans le texte de l'épopée, le début et la fin du texte sont une célébration de la ville d'Uruk et de son roi. Mais en fait, le début du texte dit il y a un roi sage, mais vous allez voir comment il était avant et ce qu'il a fallu qu'il fasse pour conquérir cette cette sagesse. C'est d'ailleurs le propre même d'une épopée que de faire traverser à son héros ou à ses héros des épreuves nombreuses. Quels sont les types d'épreuves que va traverser Gilgamesh dans cette épopée, en l'occurrence Bertrand Laffont? Alors, il y a le texte se répartit un peu à peu près en deux parties. Au tout début, c'est le récit des exploits de Gilgamesh et de son ami Enkidu. On va peut-être parler de la façon dont ils se rencontrent, ces deux-là, parce que Gilgamesh est le roi d'Uruk. Mais comme il tyrannise sa population, justement, il exerce un droit de cuissage sur les jeunes Urukéennes. Il entraîne les jeunes hommes sans arrêt à la guerre et ils sont épuisés. Et la population d'Uruk se plaint. Et aux dieux, et les dieux créent un alter ego, mais à la fois un opposé de Gilgamesh, dans la steppe, ce qu'on appellerait un enfant sauvage. Et Gilgamesh, intrigué, va lui envoyer une prostituée, Shamratu, qui le séduit. Ils font l'amour pendant 7 jours et 7 nuits. Et le problème, c'est qu'à la fin de cette période de rute, Gilgamesh, qui vivait au milieu d'un troupeau de gazelles, qui parlait à la nature, etc. Enkidu. Enkidu, il est sans force. Se retrouve sans force et il va être amené à Uruk, où, après une courte période de rivalité, il va devenir le meilleur ami de Gilgamesh. Oui, et donc ça va donc être une sorte de couple qui va partir, couple d'amis, une amitié indéfectible qui va partir donc pour des aventures multiples. Alors la population d'Uruk est très soulagée de voir partir les deux amis. C'est une très belle histoire d'amitié, effectivement. C'est d'abord ça, l'épopée de Gilgamesh, cette amitié d'Enkidu et de Gilgamesh, qui partent vers l'ouest, qui traversent le désert et qui vont jusqu'aux rives méditerranéennes. Et ils vont d'abord, on peut commencer à évoquer le récit de leurs exploits, ils vont jusqu'à la forêt des cèdres, qui est une forêt sacrée, et qui est gardé par un géant, un ogre, qui est le géant Humbaba. Donc lecture justement de cet extrait de l'épopée de Gilgamesh par Nathalie Canouille. Immobile, à la lisière de la forêt, il contemplait l'altitude des cèdres. Et ils examinaient l'orée. Allées et venues de Humbaba y avaient laissé des pistes, des sentiers tracés droits, des chemins bien marqués. Et l'on voyait au loin la montagne des cèdres, résidence de Dieu, sanctuaire de la Sainte Irnini. En avant de cette montagne, les cèdres déployaient leur frondaison. Délicieux était leur ombrage, et tout embaumé de parfums. Humbaba, ayant ouvert la bouche, prit la parole et s'adressa à Gilgamesh. Des fous et des inconscients t'auraient-ils conseillé, Gilgamesh, que tu sois venu m'affronter? Et Enkidu, enfant de poisson qui n'a jamais connu son père et pas plus que les tortues n'a jamais tété sa mère, en ton jeune âge, je t'observais, mais me gardais de te fréquenter. À présent, si je te tue, j'en aurai l'âme épanouie, car c'est bien toi qui as conduit jusqu'ici Gilgamesh, un ennemi, un étranger furieux. J'aurais dû, Gilgamesh, lui déchirer la gorge et la donner en pâture aux criards serpentaires, aux aigles, aux vautours. Mais avant qu'on revienne sur la suite des épreuves de Gilgamesh et d'abord sur l'issue de ce combat avec Humbaba, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit sur Gilgamesh et qu'il faudrait peut-être préciser, c'est sa nature, puisqu'il est divin et humain. Alors en Occident, j'allais dire, on est habitué aux demi-dieux. Gilgamesh, lui, c'est spécial, il est aux 2/3 divin et 1/3 humain. Comment est-ce qu'on est 2/3, 1/3? Oui, c'est vrai que normalement dans une épopée, on a des héros non divins. Il est roi d'Uruk et il est un humain avec des parties divines en lui, mais c'est essentiellement quelqu'un qui appartient à l'espèce humaine. Oui, mais dans l'épopée, d'où viennent ces deux tiers divins? C'est une formule qu'on répète comme ça? Oui, c'est une formule. Alors cette amitié donc avec Enkidu qui est indéfectible, qui est si forte, certains psychanalystes comme Mireille Fognini pensent qu'il y a là quelque chose de non pas de l'amitié mais de l'alter ego, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est presque un être double qui se combat et qui s'aime lui-même d'une certaine façon avec cette dimension psychanalytique qui est très proche avec lequel il peut aussi partager toutes ses craintes, tous ses projets, tous ses désirs. Ça sert aussi de réceptacle à son propre désir, la figure d'Enkidu. Ah oui, c'est clair qu'ils sont solidaires dans les succès, dans les épreuves. Et il y a tout au long de l'épopée un dialogue entre eux où ils se soutiennent mutuellement. Il y a des moments où c'est Gilgamesh qui est effrayé et on voit Enkidu venir à son secours et lui redonner du courage, et l'inverse également. Ils sont effectivement dans un tandem, une espèce de couple peut-être ambivalent, mais en tout cas c'est une amitié forte, une solidarité forte qui les relie. Victor Massé-Lépinay. Pourquoi est-ce qu'ils partent combattre Rumbabat? On voit Enkidu et Gilgamesh se mettre en route, mais on ne sait pas très bien, cette épreuve ne leur est pas imposée de l'extérieur, a priori. Ah non, ils la choisissent, clairement. C'est ce que je disais, c'est une façon, pour soulager la population d'Uruk, les dieux décident de les envoyer au loin, mais ils veulent conquérir, on va voir qu'ils ne peuvent pas conquérir l'immortalité, mais ils veulent conquérir le renom. Le renom, ça peut être éternel. Et la preuve, on en parle encore ici même, 4000 ans après, la renommée se conquiert avec des exploits, mais des exploits qui vont jusqu'à la démesure. Le thème de la démesure de l'hubris est très présent dans ce récit, et ça va coûter la vie à Enkidu. Oui, ce qui est très intéressant, évidemment, c'est qu'on voit bien avec toutes ces épopées, on en reparlera dans les autres épopées d'autres espaces géographiques qui parcourront donc notre semaine dans la fabrique de l'histoire, on voit bien, Bertrand Laffont, qu'il y a deux tentatives, plusieurs tentatives pour pouvoir les lire d'une certaine façon. Il y a cette tentative de vouloir retrouver les lieux, vouloir voir la personnalité ou l'historicité d'une telle histoire, d'en faire une histoire métaphorique qui permet de lire, par exemple, l'expansion d'une civilisation au-delà de ses propres frontières. Donc on se dit, bah, s'il va à la forêt de cèdres, est-ce que cela traduit justement une projection d'Uruk en dehors de ses propres frontières? Et puis il y a une autre manière, beaucoup plus simple, qui est de le lire comme une sorte d'épreuve initiatique, leçon de vie d'une certaine façon pour toutes les personnes qui le liront, en l'occurrence Bertrand Laffont. C'est tout à fait ça, c'est un parcours initiatique. Et c'est avec les diverses épreuves qui vont être affrontées, parce qu'on a parlé de Rumbaba, mais il va y avoir d'autres épreuves à d'autres moments. C'est le récit d'un itinéraire. Vous savez, on a fait le parallèle en disant que cette épopée de Gilgamesh, c'est à la fois une Iliade et une Odyssée. Mmh. C'est une Iliade dans le sens que c'est des récits de héros et de combats, de héros dont certains vont mourir. Et puis une Odyssée parce que c'est une quête initiatique avant le retour au pays. Ça sera la deuxième partie de l'œuvre dont on va parler tout à l'heure. Alors on va peut-être écouter le troisième texte de cette émission. Donc c'est Gilgamesh qui s'adresse à Uta Anapishti. Gilgamesh s'adressa encore à lui, Uta Anapishtim. Eh bien, me suis-je dit, je m'en irai trouver cet Uta Anapishtim dont on parle. J'ai donc tourné et cheminé partout, franchi les plus inaccessibles montagnes et traversé toutes les mers. Le sommeil reposant n'a plus détendu mon visage. À force de veiller, je me suis épuisé. J'ai saturé mes muscles de lassitude. Et qui ai-je gagné? Avant même de parvenir jusqu'à la tavernière, mes vêtements étaient à bout. J'ai tué ours, hyènes, lions, panthères, tigres, daims, grosses et petites bêtes sauvages pour en manger la viande et en revêtir les dépouilles. Si l'on pouvait fermer la porte à l'angoisse, si l'on pouvait l'obturer au bitume, à l'asphalte. Mais le destin ne m'a pas laissé m'amuser. Il m'a déchiré, malheureux que je suis. Uta Anapishtim s'adressa à lui, Gilgamesh. Pourquoi donc Gilgamesh exagérer ton désespoir, toi que les dieux ont fait de substances divino-humaines, qu'ils ont traité comme ton père et ta mère. Serais-tu, Gilgamesh, comparable à un fou ? Vous écoutez France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Et vous écoutez donc une émission première de 4 émissions donc consacrée à l'épopée de Gilgamesh. Évidemment, entre le précédent texte et celui-ci, un drame est arrivé. Et ce drame, c'est la mort d'Enkidu. Que va faire Gilgamesh chez Utnapishti? Qu'est-ce qui se passe pour qu'il ait cette conversation désespérée? Parce que on l'a vu en colère, on l'a vu injuste, on l'a vu héroïque. Et là, il est désespéré. Oui, la mort d'Enkidu, c'est un moment central du récit. On peut dire pourquoi Enkidu est mort. D'abord, c'est que les exploits des deux héros, parce que non seulement ils sont allés couper les cèdres dans la forêt sacrée, mais ils ont insulté Ishtar, ils ont tué le taureau du ciel qu'Ishtar avait envoyé contre eux. Les dieux exaspérés décident que trop c'est trop et ils font mourir Enkidu. Et cette mort est absolument insupportable pour Gilgamesh. Et il décide qu'il ne veut pas, qu'il ne peut pas mourir. Et donc, il a entendu dire que le seul humain qui a eu la vie éternelle, c'est le survivant du déluge, c'est ce Utnapishtim dont on vient de parler. Et donc, le récit qu'on vient d'entendre, c'est Gilgamesh qui, après un long, long, long voyage au-delà des montagnes, alors là, il y a toute une série d'aventures. En allant vers l'Orient. Hein, voilà, alors on était tout à l'heure vers l'Ouest, là on est parti vers l'Est. Ce Utnapishtim, il habite aux confins du monde, sur une île qui est aux confins du monde, et il y a toute une série d'épreuves. Gilgamesh rencontre des hommes scorpions, il va donc jusqu'aux confins du monde, il rencontre une cabaretière qui tient une taverne, dont on reparlera peut-être, et il arrive chez Utnapishtim, et on voit à quel point il est d'abord désespéré de la mort de son ami, il le redit, et il est épuisé par ce voyage, et on entend à la fin là, de l'extrait qui a été lu, Utnapishti, qu'il ne faut pas charrier quand même, c'est ton sort n'est pas si malheureux que ça. Déjà, les dieux ont fait de toi justement une substance divino-humaine. Voilà. Donc, en l'occurrence, tu n'es pas simplement un humain qui serait ballotté par les flots et par les circonstances. Victor Massel d'Épinay. Alors, il est intéressant, cet Utnapishtim, seul survivant du déluge, le déluge qui était déjà évoqué dans le prologue. Évidemment, quand on pense au seul survivant du déluge, on a la figure de Noé qui vient tout de suite à l'esprit. Et d'ailleurs, Utnapishtim est seul survivant du déluge parce qu'il a embarqué lui-même dans un grand bateau sur lequel il a chargé toutes sortes de choses, dont les espèces animales. C'est sans doute le moment d'évoquer ces parallèles ou ces filiations qu'il y a entre l'épopée de Gilgamesh et la Bible. Qu'est-ce qu'on peut en dire exactement, Bertrand Laffont? Est-ce que Utnapishtim, c'est Noé? Alors, vous imaginez la surprise de ceux des premiers assyriologues à la fin du 19e siècle qui ont découvert ce texte de l'épopée de Gilgamesh dans lequel il y a un récit du déluge qui est fait. On n'a pas lu l'extrait. Oh, ça va bien. Oui, peut-être. Mais qui est exactement une sorte de décalque ou plutôt une matrice de ce qui va être le récit du déluge. On a découvert à ce moment-là parce qu'il y a d'autres récits en acadien et en écriture cunéiforme, notamment le mythe d'Atraracis, qui est le mythe du super sage, qui raconte effectivement la façon dont les dieux ont voulu se débarrasser des hommes et dont un a survécu. Et Utnapishtim, c'est exactement le Noé de la Bible. Finalement, on découvre que la Bible, les auteurs de la Bible, dans le contexte proche-oriental qui était le leur, connaissaient parfaitement ce récit qui était extrêmement célèbre, ce récit du déluge qu'on trouve dans de nombreux textes littéraires. Oui, parce qu'on a retrouvé des traces, il faut dire, de l'épopée de Gilgamesh, des traces écrites, non seulement dans la Mésopotamie, c'est-à-dire entre le Tigre et l'Euphrate, mais aussi jusqu'au Levant, jusqu'au Proche-Orient actuel. Alors, c'est vous dire à quel point ce récit a été populaire dès l'Antiquité. Hein. C'est tous les petits enfants, le soir à la veillée à Babylone, entendaient réciter l'histoire, les exploits de Gilgamesh. Et effectivement, ce récit s'est répandu. On l'en trouve effectivement à Megiddo, à Ougarit, qui sont ça, c'est sur la côte levantine, jusque chez les Hittites en Anatolie. Et c'est un récit qui a été extrêmement populaire, extrêmement répandu. Et c'est finalement pas si étonnant que ça, qu'on en trouve une sorte de version dans le récit biblique. Oui, on sait par exemple pour les grands textes recueillis au Moyen-Âge combien le nombre de copies que l'on trouve dans les monastères dit quelque chose de leur popularité à l'intérieur de cette sphère médiévale. C'est un peu la même chose pour le nombre de tablettes que l'on peut retrouver dans tous ces sites, donc un peu partout dans le Proche-Orient ancien, c'est cela ? Oui, tout à fait. Et l'épopée de Gilgamesh est sûrement le récit le plus populaire de toute la littérature, de tout le folklore, on peut dire, parce qu'il y a du folklore aussi là-dedans, du Proche-Orient. Victor Massé d'Épinay. Mais alors, on pense à la Genèse quand on lit l'épopée de Gilgamesh, non seulement, bien sûr, avec ce déluge qui est un moment central et très dont la filiation est très évidente, mais aussi à beaucoup d'autres moments. Le taureau céleste envoyé par Ishtar, il est question d'une famine qui durera 7 années, en prévision de laquelle il faut accumuler le grain pendant 7 autres années. Ça évoque le songe du pharaon interprété par Joseph, etc. Est-ce que il faut penser que l'épopée de Gilgamesh est la source de toutes ces références ou de toutes ces filiations qu'on voit dans la Bible, ou est-ce que ce sont des thèmes qui étaient très répandus, qui circulaient, qui allaient de l'un à l'autre, et qui peut-être même ont fait des allers-retours et sont revenus de la Bible jusque dans les versions plus récentes qu'on a de l'épopée de Gilgamesh, puisque vous avez dit que c'était une superposition de couches, cette épopée, dans la version qu'on lit aujourd'hui? Oui, je crois que votre seconde assertion est plus correcte. Il faut voir qu'on est dans un contexte proche-oriental en général où il y a beaucoup de peuples, il y a une très longue histoire. Et finalement, les auteurs de la Bible, encore une fois, ils ont baigné là-dedans. Et j'aime bien votre idée d'aller-retour. C'était des récits que tout le monde connaissait. Qu'on traduisait, donc. Qu'on traduisait, oui, absolument. Et qui ont donc été, qui ont fini par être portés par les auteurs de la Bible. Mais c'est un long travail que font les biblistes, entre biblistes et assyriologues. Il y a un dialogue qui est ancien et qui est très fructueux et sans cesse renouvelé. Mais il n'y a pas de filiation, c'est pas un fil directeur. Oui, alors ce qui est très intéressant, c'est que nos auditeurs sont en train de protester parce qu'ils n'ont toujours pas entendu le récit du déluge. Eh bien, on va l'écouter tout de suite. Le premier jour que souffla la tempête, si furieuse elle souffla, que l'anathème passa sur les hommes comme la guerre. Personne ne voyait plus personne. Du ciel, les multitudes n'étaient plus discernables parmi ces trombes d'eau. Les dieux étaient épouvantés par ce déluge. Prenant la fuite, ils grimpèrent jusqu'au plus haut du ciel, où, tels des chiens, ils demeuraient pelotonnés et accroupis au sol. La déesse criait comme une parturiente. Belet Ili, à la belle voix, se lamentait. Ah, s'il n'avait jamais existé ce jour-là, où parmi l'assemblée des dieux je me suis mise en mauvaise part, comme dans cette assemblée, comment ai-je pu décider d'un pareil carnage pour anéantir les populations? Je n'aurais donc mis mes gens au monde que pour en remplir la mer comme de la poissonnaille? 6 jours et 7 nuits durant, bourrasques, pluies battantes, ouragans et déluges continuèrent de saccager la terre. Le 7e jour arrivé, tempête, déluge et hécatombe cessèrent. Après avoir distribué leurs coups au hasard, comme une femme dans les douleurs. La mer se calma et s'immobilisa. Ouragan et déluge s'étaient interrompus. Je regardais alentour. Le silence régnait. Tous les hommes avaient été retransformés en argile et la plaine liquide semblait un toit-terrasse. Quelle beauté, Bertrand Laffont, en l'occurrence. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Même les dieux se pelotonnent parce qu'ils sont épouvantés devant ce qu'ils ont provoqué. Ils sont comme des chiens. Alors c'est intéressant, justement, cette attitude des dieux, puisque il faut revenir un peu sur les causes de ce déluge. Il y en a une, donc Belit Ili, qui se désole d'avoir voté le déluge, puisque le déluge a été finalement le fruit d'une concertation entre les dieux. Pourquoi est-ce que les dieux ont décidé d'inonder la terre ? Oui, il y a une forme d'anthropomorphisme de ces divinités, notamment en Mésopotamie. Ils se conduisent absolument, ils ont les mêmes accès de colère, les mêmes désirs, les mêmes angoisses, au fond, que les hommes. Ce qu'ils ont en plus, c'est l'immortalité, mais ils se conduisent tout à fait comme les hommes. Le récit du déluge, c'est dans l'autre grand texte littéraire dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle Atraracis. On donne très précisément la cause, pourquoi les dieux veulent supprimer la race humaine, c'est que les hommes qu'ils ont créés font trop de bruit. Et pourtant, les hommes ont été créés pour servir les dieux, mais les dieux vont décider, justement, devant ce brouhaha que finissent par faire une humanité grouillante et trop bruyante, ils vont décider de l'exterminer, mais ils vont très vite regretter leur geste. C'est un conflit de copropriété, quoi. Oui, on pourrait dire ça. Quand on vous écoute, en l'occurrence Bertrand Laffont, on se dit tout de même, il faut peut-être aussi raccrocher cela à cette naissance de ce qu'on appelle la civilisation urbaine, à cette naissance de ces villes, on a parlé d'Uruk au tout début de notre conversation, mais aussi à cette naissance de l'écriture, à cette naissance de la question des religions et en particulier de ces dieux que l'on va honorer et qui vont être mécontents de la façon dont on se comporte. Tout cela, ça naît justement aux alentours de ces 3000-2500 avant notre ère, dans cette région du sud, donc de la Mésopotamie, tout près de la mer, dans ces régions qui sont aujourd'hui recouvertes pour beaucoup d'entre elles par les marais, en l'occurrence. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de cette concomitance qui surprend toujours quand on raconte cette histoire de l'écriture, de la ville, de la sédentarisation, de la façon dont on accumule du capital, l'accumulation primaire justement de ces grains qui vont permettre justement le développement peut-être du commerce, de la civilisation, tout cela. Oui, vous avez déjà dit beaucoup. Il y a au tournant des 4e et 3e millénaires, une conjonction d'éléments, sûrement née justement des surplus, née des possibilités agricoles, une meilleure maîtrise de l'irrigation et une économie finalement qui se développe. La domestication de l'âne, par exemple. Absolument, et on a l'impression que tout apparaît à peu près en même temps. Les premières villes, et Uruk est considérée comme étant la ville la plus ancienne, en même temps que l'État, dans sa capacité à contrôler un territoire, à lever l'impôt, à mobiliser les gens, et l'écriture, née pour des raisons, il y a des grandes discussions, savoir pourquoi on invente l'écriture, c'est sûrement pas seulement pour des raisons comptables, bien que ce soit une raison qui est le plus souvent donnée. Tout ça apparaît à peu près en même temps, à la fin du 4e millénaire avant notre ère, dans ce pays de Sumer. Et la civilisation du Sumérien va dominer la région pendant à peu près tout le 3e millénaire, avant que n'apparaissent d'autres populations, celles des Babyloniens et des Assyriens, qui vont occuper l'histoire des 2e et 1er millénaires. Et puis, c'est aussi à ce moment-là que l'on commence à faire la science des listes. On va lister les animaux, les espèces végétales, on va lister les rois, et c'est d'ailleurs grâce à cela que l'on sait, en tout cas dans une liste, que le roi Gilgamesh aurait existé, en l'occurrence. Donc il y a toute cette façon de mettre en ordre le monde, d'une certaine façon, par l'intermédiaire de l'écriture. Tout à fait, et c'est pour ça qu'on peut pas dire que l'écriture est née seulement pour des besoins économiques et comptables. C'est que dans les textes les plus anciens, on trouve déjà des listes de poissons, des listes d'animaux avec des poissons, des oiseaux, les animaux domestiques, des listes de villes, des listes d'astres, les étoiles qu'on observe dans le ciel. Des listes de professions aussi. Et donc c'est effectivement une volonté de s'approprier le monde. Et il se trouve que dans ces listes, un peu plus tard quand même, on va faire une liste royale en essayant de voir tous les rois qui ont régné depuis le déluge dont on vient de parler, et Gilgamesh figure dans cette liste. Donc on s'est dit, c'est peut-être un témoignage, ça a été vraiment un personnage historique. Le problème, c'est que cette liste, elle est assez tardive, elle apparaît plusieurs siècles après l'époque supposée où a vécu Gilgamesh. Et puis, évidemment, elle a aussi une fonction, comme l'héraldique ou comme toute autre fonction de ce type, de raccrocher la généalogie de celui qui commande la liste à cette longue lignée merveilleuse de rois qui l'ont précédé. Là, c'est exactement ça. Ce sont les rois d'Isin au début du 2e millénaire qui veulent montrer qu'ils Ils sont les héritiers de la civilisation sumérienne, justement, qui est en train de disparaître à ce moment-là. Victor Massel-Dépinay. Alors, pour en revenir au texte proprement dit, comment, justement, est-ce qu'on peut voir la figure d'Enkidu dans toute cette dimension? Puisque Gilgamesh, c'est un roi, c'est le roi d'Uruk, donc de la ville, c'est le roi qui a une histoire, qui a un pouvoir. Enkidu, lui, c'est son double, mais c'est son double naturel. C'est son double qui vit avec les animaux, qui vit nu, qui vit d'une certaine façon avant la sexualité, puisqu'il va rencontrer cette joyeuse, cette prostituée, et qu'il va basculer dans une autre dimension. Est-ce que là, il y a une sorte d'interrogation que posent les auteurs de cette épopée, ou que nous pose cette épopée sur l'état de nature et l'état de culture, quelque chose de cet ordre-là? Ah, c'est clairement le thème nature et culture, il est explicite. Enfin, il y en a un qui vit dans la steppe, l'autre qui vit au cœur de sa ville. Mais Enkidu, finalement, son apprentissage vers la civilisation, c'est un apprentissage via la sexualité. Et puis, on dit aussi très précisément qu'une fois qu'il est en ville, il s'habille, il était nu, il s'habille, il se lave, il était hirsute, il se coupe les cheveux, il se rase, et il finit par vivre la vie de tous les citadins. Mais c'est aussi un faire-valoir. C'est un double, un opposé et un faire-valoir pour Gilgamesh et son ami par ailleurs. Et quand Enkidu meurt, c'est Gilgamesh qui va, lui, sortir de la ville, aller se confronter au monde naturel, aller combattre les animaux, se revêtir d'une peau de bête. Oui, c'est vrai que c'est un retour dans cette quête initiatique. Il va passer par ces étapes-là, tout à fait. C'est aussi intéressant de ce point de vue-là. Cinquième extrait et dernier extrait de notre série de lectures autour de Gilgamesh dans cette émission donc qui ouvre une série d'émissions de la Fabrique de l'Histoire sur les grandes épopées par Nathalie Canoui. Mon ami que tant je chérissais et qui avait avec moi traversé tant d'épreuves, Enkidu s'en est allé, au sort commun des hommes. Jour et nuit, je l'ai pleuré et refusé la tombe. Peut-être, me disais-je, mon ami se remettra-t-il sur pied à ma voix. 7 jours et 7 nuits, jusqu'à ce que les vers lui soient tombés du nez. Depuis, j'ai cherché en vain la vie sans fin, tournant et retournant en pleine steppe comme un bandit. À présent que je t'ai rencontré, tavernière, puissais-je éviter cette mort que je redoute tant? Mais la tavernière s'adressa à lui. Pourquoi donc rôdes-tu, Gilgamesh? La vie sans fin que tu recherches, tu ne la trouveras jamais. Quand les dieux ont créé les hommes, ils leur ont consigné la mort, se réservant l'immortalité à eux seuls. Toi, plutôt, remplis-toi la panse, demeure en gaieté jour et nuit, fais quotidiennement la fête, danse et amuse-toi, jour et nuit accoutre-toi d'habits bien propres, lave-toi, baigne-toi, regarde tendrement ton petit qui te tient par la main et fais le bonheur de ta femme serré contre toi. Car telle est l'unique perspective des hommes. Le fini et l'infini, en l'occurrence. Et il voudrait une vie qui ne cesse jamais, ce Gilgamesh, et en même temps, on lui réserve cette idée que, puisqu'il est parmi les hommes, il doit avoir une vie finie. Ce passage est magnifique. La tavernière, Gilgamesh la rencontre au bout de son voyage, quand il essaye d'aller retrouver Utanapishtim pour avoir la plante de vie qui lui donnera l'immortalité. Et c'est une leçon pleine de sagesse que lui donne Siduri. C'est intéressant parce qu'à la même époque, dans la religion égyptienne, on parle d'une vie après la mort qui est exaltée, enfin qui est magnifique. Et même dans la religion chrétienne ou dans l'islam, on dit qu'il faut s'accorder le caractère inéluctable de la mort. Il faut l'accepter et qu'il y a une vie meilleure après la mort. Là, pas du tout. C'est tout le contraire. C'est une philosophie du carpe diem. C'est profite maintenant de ce que peut t'offrir la vie. Et c'est un message qu'a apporté universel. Ce passage de la réponse de Siduri est vraiment magnifique. Victor Massé-Lépiné. Mais alors, est-ce que Gilgamesh va changer de vie après ça? Puisque tout à l'heure, dans le prologue, on disait qu'il était sage. À l'issue de cette quête, là, est-ce que cette leçon, finalement, remplis-toi la panse, demeure en gaieté jour et nuit, c'est un peu ce qu'il faisait avant, mais comme un goinfre, est-ce qu'il va continuer, mais différemment? Mais surtout, il va pas l'écouter, parce qu'il va continuer son chemin pour aller voir Utanapishti. Il va pas tenir compte, dans un premier temps, de ses recommandations. Finalement, si vous permettez, je sais pas si on a le temps, juste sur Siduri, ça me fait penser de... Il y a un parallèle avec Ulysse dans cet passage de l'Odyssée où Ulysse, après son naufrage, est sur l'île de Calypso, la nymphe, et pendant 7 ans, ils vivent d'amour, d'eau fraîche, mais dans l'opulence, dans les plaisirs, dans l'abondance. Et soudain, Ulysse dit « Mais je veux partir, je veux rentrer à Ithaque. » Et Calypso, qui est très amoureuse de lui, pour le retenir, lui dit, ben, si tu veux, je t'offre rien que moi que l'immortalité. Donc on s'attend à ce que Ulysse dit, c'est fantastique, j'accepte. Et Ulysse dit non, il part. Et il renonce, donc, parce que c'est pas la vraie vie. La vie des hommes, c'est accepter qu'on va mourir. Et il préfère cette vie-là qu'à une vie qui est celle des dieux, qui est pas la vie des hommes. D'ailleurs, Victor, vous demandez tout à l'heure les parallélismes entre l'épopée de Gilgamesh et la Bible. Moi, je vais vous poser la question. Est-ce qu'il y a-t-il un parallélisme entre Homère, l'Odyssée et l'épopée de Gilgamesh? On dit que Pénélope, se retirant dans ses appartements et offrant un don à Athéna au moment du départ de Télémaque, rappelle la mère de Gilgamesh, Ninsun, qui elle-même se retire dans ses appartements quand elle apprend le départ pour la forêt des cèdres de Gilgamesh et fait un don aux dieux. Est-ce qu'il y aurait là aussi une figure classique de, pourrait-on dire, des épopées antiques? Classique, je sais pas, mais là, on revient au contexte dans lequel on était tout à l'heure, qui est, ce récit est connu de tous. Et il y a évidemment dans ceux, à l'époque des d'Homère, il y a des emprunts et il y a beaucoup d'autres parallèles qu'on pourrait faire. Je disais tout à l'heure, épopée de Gilgamesh, à la fois une Iliade et une Odyssée, ça marche aussi. Et aussi, cet auteur, Homère, dont on ne sait pas très bien qui il est, il fait penser aussi à cet auteur dont je parlais tout à l'heure, qui a mis par écrit, qui a rassemblé tous ces fragments du récit pour en faire l'épopée. Sin leke unini, c'est ça ? Sin leke unini, ça veut dire « Oh Dieu, Sin, écoute mes prières ». Et on ne sait pas très bien s'il a existé, mais son nom est passé comme ça de génération en génération, et on a pensé que c'était lui qui était l'auteur de cette version standard de l'épopée. Victor Massé-Lépiné. Alors, après ce discours de la cabaretière, donc, puisque ça vient après dans le texte qu'on a, mais avant dans les épreuves de Gilgamesh, toujours cette composition hétéroclite, Gilgamesh rencontre Utanapishtim, et puis Utanapishtim lui raconte le déluge, lui dit qu'il ne peut pas lui donner l'immortalité, mais qu'il peut trouver une plante donnant l'immortalité, qu'il peut trouver au fond de l'eau. Gilgamesh y va, cueille cette plante au prix d'épreuves compliquées, et finalement cette plante se fait dérober par un serpent. Tiens, on revient peut-être encore à la Bible. C'est le serpent qui enlève finalement la possibilité de l'immortalité. Et Gilgamesh rentre chez lui, les mains vides, en n'ayant rien acquis. Sinon la sagesse. C'est ça le message de Gilgamesh. Qu'est-ce qu'on enseigne aux gens avec cette histoire dans toutes ces millénaires où ce texte a circulé, où les élèves recopiaient cette épopée? Qu'est-ce qu'on veut dire aux gens? On enseigne beaucoup de choses parce que c'est une leçon sur le pouvoir. Il était un roi tyrannique. Il revient plein de sagesse et aimé son peuple. C'est quelqu'un qui était angoissé par la mort et qui revient en ayant compris que son destin de mortel, ça lui fait accepter la mort qui viendra un jour, mais que si on va mourir, ce que je disais tout à l'heure, on peut, par les exploits qu'on a accomplis, par son courage, par son héroïsme, acquérir du renom. Et ça, le renom, il peut être éternel, il peut être immortel. C'est une leçon aussi sur l'amitié. Les enfants devaient sûrement quand même regarder les exploits de ces deux amis de façon très positive. Dont on a beaucoup dit aussi qu'il s'agissait peut-être d'une homosexualité. Oui. Sublimé. On peut parler tout à l'heure de psychanalyse, on peut aller dans toutes les directions. Comme on l'a dit, on n'aura jamais d'éléments tangibles pour étayer l'argumentaire qu'on peut avoir. Là. Alors, ce qui est fort intéressant, c'est qu'effectivement, quand on est spécialiste comme vous de la période sumérienne, en l'occurrence Bertrand Laffont, on doit être toujours aussi subjugué par cette épopée, mais on doit aussi toujours, comme vous l'avez fait pour le livre collectif que vous avez écrit avec Aline Tenu, Francis Johannes et Philippe Clancier dans la collection Mondes Anciens, sur la Mésopotamie, le relier à l'histoire de la région, tenter à un moment ou à un autre de comprendre, par exemple, ce qu'est une histoire orale par rapport à une histoire écrite. C'est une question que se posent tous les historiens de diverses périodes, c'est-à-dire comment circule une légende, par où passe-t-elle, pourquoi la mettons un jour par écrit alors qu'auparavant elle n'était que propagée que de bouche à oreille. Tout ça sont des questions qui sont absolument passionnantes, mais pour lesquelles vous n'avez que des débuts de réponse généralement. Oui, et pour ça on peut faire à nouveau le parallèle avec encore une fois l'Iliade et l'Odyssée et le récit d'Homère, et on ne sait rien de cet auteur de ces deux récits épiques. Le parallèle peut être tout à fait fait de cette façon-là. Ce qui est intéressant, cette chance, c'est encore une fois, c'est de suivre le déroulement, l'histoire de ce récit pendant deux millénaires. C'est quand même énorme. Que Gilgamesh ait été un roi réel ou non n'a pas grande importance. Au début, c'est de la tradition orale. Il y a un folklore autour de ça, certainement. Et puis, il y a des périodes, notamment au moment où se répand vraiment l'écriture cunéiforme, il y a certains moments clés, justement, au début du deuxième millénaire, mais aussi à la fin du deuxième millénaire, au moment où est créée la version standard. Et puis, le fait que Assurbanipal, le roi qui est au bout de la chaîne, qui crée une bibliothèque pour recueillir tous ces récits, c'est très intéressant, ça. La bibliothèque d'Assurbanipal. À Ninive. L'actuel Mossoul. Enfin, voilà, c'est en face de Mossoul, on a une bibliothèque avec tous ces récits qui sont rassemblés. La volonté d'un roi d'aller recueillir comme ça dans l'ensemble du territoire qu'il contrôle tous les récits et les faire mettre par écrit, les faire recopier, c'est effectivement en soi très intéressant. Il y a une leçon sur le pouvoir aussi, hein, la maîtrise du récit, absolument. Est-ce qu'on continue aujourd'hui à mettre au jour de nouvelles tablettes, de nouveaux extraits de cette épopée de Gilgamesh, ou à traduire de nouvelles tablettes qui n'ont pas encore été traduites? Est-ce que le récit grossit? Oui, c'est intéressant parce que les premières découvertes, ça remonte donc à la fin du 19e siècle, et on n'a pas cessé après de retrouver ici et là des fragments. Là, ça fait quand même quelques années qu'il n'y a pas, il n'y a pas eu de grandes découvertes, mais au fond, d'abord, on n'a pas transcrit et traduit tout ce qui se trouve comme tablette cunéiforme dans les musées et collections du monde entier. Donc on n'est jamais à l'abri, si je puis dire, de nouvelles découvertes. Mais les fouilles continuent. Et donc, pour l'instant, il y a une édition qu'on considère comme quasi complète à l'heure actuelle, qui a été faite par l'assyriologue anglais Andrew George en 2003. On peut dire que c'est une édition définitive en l'état actuel des sources. Mais les sources sont appelées à évoluer, c'est certain. Cette traduction de Jean Bottero qu'on a lue, donc elle est d'une certaine façon caduque, même si elle est très agréable à lire. Exactement, elle est de 10 ans antérieure, elle est de 1992, mais c'est la meilleure traduction et la plus complète en français, la plus fiable en français. Il y en aura peut-être d'autres à l'avenir. On peut penser aussi à ce terrible orage d'acier qui s'est répandu sur tout le Proche-Orient depuis maintenant une vingtaine d'années, qui vous empêche d'une certaine façon les uns ou les autres de faire bien votre travail d'archéologue, de sumérien, etc. Et par exemple, cette ville d'Uruk, elle a été formidablement fouillée depuis le début du XXe siècle par l'école allemande d'archéologie, mais depuis quelques années, on ne peut plus s'y rendre d'une certaine façon, alors que l'on sait qu'il y a des centaines de choses à découvrir, et en particulier toute l'habitat civil. On a découvert et fouillé beaucoup les temples, tout ce qui était de l'ordre du tel, mais il reste encore à découvrir ce qu'était une ville dans toute sa superficie, et on sait que c'était une des plus grandes villes de l'époque. Absolument, Uruk n'est pas une des villes qui a été les plus pillées ou les plus touchées par les pillages qu'il y a eu en Syrie et en Irak ces dernières années. Bon, il y a d'abord le drame qu'ont vécu les populations de ces pays, qui sont numéro un, mais c'est vrai que ça s'accompagne pour le patrimoine de ces deux pays de drames tout aussi terribles, de disparition de sites entiers, de collections, de pillages de musées. On sait comment le musée de Mossoul, justement, vous parliez de Ninive. Justement, qui est juste en face de Ninive. Mossoul, la grande ville de Mossoul, on se souvient des islamistes en train de casser à coups de marteau toutes les stèles et statues qui étaient dans ce musée. Et actuellement, effectivement, les archéologues et les chercheurs n'ont plus accès à ces pays de Syrie et d'Irak, donc travaillent sur leurs archives, dans les musées. On espère un jour que la coopération avec ces pays pourra reprendre en matière d'archéologie et de sauvegarde du patrimoine. Un mot très bref, on a expliqué le long temps de création et d'invention et de réinvention d'une épopée comme celle de Gilgamesh, sait-on quand ça s'arrête ? Elle disparaît un jour, c'est-à-dire qu'elle n'est plus, elle ne passe plus de bouche à oreille. Non, mais le héros Gilgamesh peut passer dans des récits en syriaque, où il est, ça passe vers la Grèce aussi. C'est un récit qui est longtemps resté, encore une fois connu et raconté. Mais les versions écrites, retranscrivant, recopiant ce texte, ça s'arrête effectivement au dernier siècle de notre ère. Et depuis, on le raconte encore sur place ou plus du tout. Cet espace géographique a été d'une certaine façon à abandonner cette histoire qui remonte. Si on le raconte encore, c'est parce que les archéologues et les assyriologues ont redécouvert ces tablettes. C'est ça qui fait renaître le récit. Mais il y a quand même une longue phase d'interruption entre les deux. Merci beaucoup Bertrand Laffont. On peut se reporter entre autres à cet excellent livre paru dans la très bonne collection Les Mondes Anciens, dirigé par Joël Cornet aux éditions Belin, donc vous avez co-signé avec Aline Tenu, Francis Johannes et Philippe Clancier de Gilgamesh à Artaban, la Mésopotamie. On se retrouve demain, Victor Massé de l'Épinay. Demain pour aller au Tibet et parler de l'épopée du roi Gézard ou Gézard. On verra, les prononciations, ça va être difficile cette semaine. Toute la semaine, nous allons donc continuer à débattre et à discuter autour des grandes épopées grâce à Céline Leclerc qui a préparé cette émission et Marion Dupont. Morgane Danon était avec nous à la technique aujourd'hui et Thomas Duterre à la réalisation. Merci également donc à Nathalie Canoui pour les lectures de ces textes de l'épopée de Gilgamesh.